Émile Zola, La confession de Claude. À mes amis, Paul Cézanne et Jean-Baptiste Baille. Vous avez connu, mes amis, le misérable enfant dont je publie aujourd'hui les lettres. Cet enfant n'est plus. Il a voulu grandir dans la mort et l'oubli de sa jeunesse. J'ai hésité longtemps avant de donner au public les pages qui suivent. Je doutais du droit que je pouvais avoir de montrer un corps et un cœur dans leur nudité. Je m'interrogeais, me demandant s'il m'était permis de divulguer le secret d'une confession. Puis, lorsque je relisais ces lettres haletantes et fiévreuses, vides de faits, se liant à peine les unes aux autres, je me décourageais. Je me disais que les lecteurs accueilleraient sans doute fort mal une pareille publication, toute diffuse, toute folle et emportée. La douleur n'a qu'un cri. L'œuvre est une plainte sans cesse répétée. J'hésitais, comme homme et comme écrivain. Un jour, j'ai songé enfin que notre âge a besoin de leçons et que j'avais peut-être entre les mains la guérison de quelques cœurs endoloris. On veut que nous moralisions, nous les poètes et les romanciers. Je ne sais point monter en chair, mais je possédais l'œuvre de sang et de larmes d'une pauvre âme. Je pouvais à mon tour instruire et consoler. Les aveux de Claude avaient le suprême enseignement des sanglots, la morale haute et pure de la chute et de la rédemption. Et j'ai vu alors que ces lettres étaient telles qu'elles devaient être. J'ignore encore aujourd'hui comment le public les acceptera, mais j'ai foi dans leur franchise, même dans leur emportement. Elles sont humaines. Je me suis donc décidée, mes amis, à éditer ce livre. Je m'y suis décidée au nom de la vérité et du bien de tous. Puis, en dehors de la foule, je songeais à vous. Il me plaisait de vous conter de nouveau la terrible histoire qui vous a déjà fait pleurer. Cette histoire est nue et vraie jusqu'à la crudité. Les délicats se révolteront. Je n'ai pas pensé devoir retrancher une ligne, certain que ces pages sont l'expression complète d'un cœur dans lequel il y a plus de lumière que d'ombre. Elles ont été écrites par un enfant nerveux et aimant qui s'est donné entier avec les frissons de sa chair et les élans de son âme. Elles sont la manifestation maladive d'un tempérament particulier qui a l'âpre besoin du réel et les espérances menteuses et douces du rêve. Tout le livre est là, dans la lutte entre le songe et la réalité. Et si les amours honteuses de Claude le font juger sévèrement, qu'on lui pardonne au dénouement lorsqu'il se relève plus jeune et plus fort, voyant jusqu'à Dieu. Il y a du prêtre dans cet enfant. Il s'agenouillera peut-être un jour. Il cherche avec un désespoir immense une vérité qui le soutienne. Aujourd'hui, il nous conte sa jeunesse désolée, il nous montre ses plaies, il crie ce qu'il a souffert, afin d'éviter à ses frères de pareilles souffrances. Les temps sont mauvais pour les cœurs qui ressemblent aux siens. Je puis d'un mot caractériser son œuvre, lui accorder le plus grand éloge que je désire comme artiste et répondre en même temps à toutes les objections qui seront faites. Claude a vécu tout haut. Émile Zola, 15 octobre 1865. Chapitre 1. Voici l'hiver. L'air au matin devient plus frais et Paris met son manteau de brouillard. Voici la saison des soirées intimes. Les lèvres frileuses cherchent les baisers. Les amants, chassés des campagnes, se réfugient dans les mansardes et, se pressant devant le foyer, jouissent au bruit de la pluie de leur printemps éternel. Moi, frère, je vis tristement, j'ai l'hiver sans printemps, sans amoureuse. Mon grenier est tout au haut d'un escalier humide, et grand et irrégulier. Les angles se perdent dans l'ombre, les murs nus et obliques font de la chambre une sorte de corridor qui s'allonge en forme de bière. De pauvres meubles, minces planches mal ajustées et peintes d'une horrible couleur rouge, craquent funèbrement dès qu'on les touche. Des lambeaux de damas d'étain pendent au-dessus du lit, et la fenêtre, privée de rideaux, s'ouvre sur une grande muraille noire, éternellement debout et sévère. Le soir, quand le vent ébranle la porte et que les murs vacillent avec la flamme de ma lampe, je sens peser sur moi un ennui morne et glacé. Je m'arrête au foyer mourant, aux laides rosaces brunes du papier peint, aux vases de faïence où se sont fanées les dernières fleurs, et je crois entendre chaque chose se plaindre de solitude et de pauvreté. Cette plainte est navrante. La mansarde entière me réclame les rires, les richesses de ses sœurs. Le foyer demande de grands feux joyeux. Les vases, oubliant la neige, veulent des roses fraîches. La couche soupire, me parlant de cheveux blonds et de blanches épaules. J'écoute, je ne puis que me désoler. Je n'ai pas de lustre à suspendre au plafond, pas de tapis pour cacher les dalles inégales et brisées. Et lorsque ma chambre ne veut, pour sourire, que de belles toiles blanches, des meubles simples et luisants, je me désole encore davantage de ne pouvoir la contenter. Alors elle me paraît plus déserte et plus misérable. Le vent y pénètre plus froid, l'ombre y flotte plus épaisse. La poussière s'amasse sur les planches, la tapisserie se déchire, montrant le plâtre. Tout se tait. J'entends, dans le silence, les sanglots de mon cœur. Frère, vous souvenez-vous des jours où la vie était en songe pour nous? Nous avions l'amitié, nous rêvions l'amour et la gloire. Vous souvenez-vous de ces tièdes soirées de Provence, lorsque, au lever des étoiles, nous allions nous asseoir dans le sillon fumant encore des ardeurs du soleil? Le grillon chantait, le souffle harmonieux des nuits d'été berçait notre causerie. Tous trois, nous laissions nos lèvres dire ce que pensaient nos cœurs. Et naïvement, nous aimions des reines, nous nous couronnions de lauriers. Vous me contiez vos songes, je vous contais les miens. Puis, nous daignions redescendre sur terre. Je vous confiais ma règle de vie, toute consacrée au travail et à la lutte. Je vous disais mon grand courage. Me sentant la richesse de l'âme, je me plaisais à l'idée de pauvreté. Vous montiez, comme moi, l'escalier des mansardes. Vous espériez vous nourrir de grandes pensées. Grâce à votre ignorance du réel, vous sembliez croire que l'artiste, dans l'insomnie de sa veille, gagne le pain du lendemain. D'autres fois, quand les fleurs étaient plus douces, les étoiles plus radieuses, nous caressions d'amoureuses visions. Chacun de nous avait sa bien-aimée. Les vôtres, vous souvenez-vous? Brunes et rieuses filles étaient reines des moissons et des vendanges. Elles se jouaient, parées d'épis et de grappes, et couraient par les sentiers, emportées dans le vol de leur turbulente jeunesse. La mienne, pâle et blonde, avait la royauté des lacs et des nuées. Elle marchait languissamment, couronnée de verveine, semblant à chaque pas prête à quitter la terre. Vous souvenez-vous, frère, le mois dernier, nous allions ainsi rêver au milieu des campagnes, épuiser le courage de l'homme dans le saint espoir de l'enfant. Je me suis fatigué du songe. J'ai cru me sentir la force de la réalité. Voici 5 semaines que j'ai quitté nos larges horizons que féconde le souffle embrasé de midi. J'ai serré vos mains, j'ai dit adieu à notre champ préféré, et le premier, j'ai voulu chercher la couronne et l'amante que Dieu garde à nos 20 ans. Claude, m'avez-vous dit au départ, te voici dans la lutte. Demain, nous ne serons plus là comme hier, te donnant espérance et courage. Tu vas te trouver seul et pauvre, n'ayant que des souvenirs pour peupler et dorer ta solitude. La tâche est rude, dit-on. Pars, cependant, puisque tu as soif de la vie. Souviens-toi de tes projets. Sois ferme et loyal dans l'action, comme tu l'étais dans le rêve. Vis dans les greniers, mange ton pain dur, souris à la misère. Que l'homme ne raille pas en toi l'ignorance de l'enfant, qu'il accepte l'âpre labeur du bien et du beau. La souffrance grandit l'homme. Les pleurs sont séchés un jour, lorsqu'on a beaucoup aimé. Bon courage, et attends-nous. Nous te consolerons, nous te gronderons de loin. Nous ne pouvons te suivre aujourd'hui, car nous ne nous sentons pas ta force. Notre rêve est encore trop séduisant pour que nous l'échangions contre la réalité. Grondez-moi, frère, consolez-moi. Je ne fais que commencer à vivre et je suis déjà bien triste. Ah, que la mansarde de nos songes était blanche, comme la fenêtre s'égayait au soleil, comme la pauvreté et la solitude y rendaient la vie studieuse et paisible. La misère avait pour nous le luxe de la lumière et du sourire. Mais savez-vous combien est laide une vraie mansarde? Savez-vous comme on a froid lorsqu'on est seul, sans fleurs, sans blancs rideaux où reposer les yeux? Le jour et la gaieté passent sans entrer, n'osant s'aventurer dans cette ombre et dans ce silence. Où sont mes prairies et mes ruisseaux? Où mes soleils couchants qui doraient les cimes des peupliers et changeaient les rochers de l'horizon en palais étincelants? Me suis-je trompé, frère? Ne suis-je qu'un enfant qui veut être homme avant l'âge? Ai-je eu trop de confiance en ma force? Ma place serait-elle de rêver encore à vos côtés? Voici le jour qui naît. J'ai passé la nuit devant mon foyer éteint, regardant mes pauvres murs, vous comptant mes premières souffrances. Une lueur blafarde éclaire les toits. Quelques flocons de neige tombent lentement du ciel pâle et triste. Le réveil des grandes villes est inquiet. J'entends monter jusqu'à moi ces murmures des rues qui ressemblent à des sanglots. Non, cette fenêtre me refuse le soleil. Ce plancher est humide, cette mansarde est déserte. Je ne puis aimer, je ne puis travailler ici. Chapitre 2. Vous vous irritez de mon peu de courage. Vous m'accusez d'envier le velours et le bronze, de ne pas accepter la sainte pauvreté du poète. Hélas, j'aime les grands rideaux, les candélabres, les marbres que le ciseau a puissamment caressé. J'aime tout ce qui brille, tout ce qui a beauté, grâce et richesse. Il me faut les demeures princières, ou plutôt encore les champs avec leurs tapis de mousse, frais et parfumés, leurs draperies de feuilles, leurs larges horizons de lumière. Je préfère le luxe de Dieu au luxe des hommes. Pardonnez, frère, la soie est si douce, la dentelle si légère. Le soleil rit si gaiement dans l'or et dans le cristal. Laissez-moi rêver, ne craignez pas pour ma fierté. Je veux écouter vos fortes et belles paroles, embellir ma mansarde de gaieté, l'éclairer de grandes pensées. Si je me sens trop seul, je me créerai une compagne qui, fidèle à ma voix, viendra me baiser au front après la tâche accomplie. Si les dalles sont froides, si le pain manque, j'oublierai l'hiver et la faim en me sentant le cœur chaud. À 20 ans, il est aisé d'être artisan de sa joie. L'autre nuit, la voix des vents était mélancolique. Ma lampe se mourait, mon feu s'était éteint. L'insomnie avait troublé ma raison. De pâles fantômes erraient dans mon ombre. J'ai eu peur, frère. Je me suis senti faible. Je vous ai dit mes larmes. Le premier rayon a chassé le cauchemar de ma veille. Aujourd'hui, l'obstacle n'est plus en moi. J'accepte la lutte. Je veux vivre au désert, n'écoutant que mon cœur, ne voyant que mon rêve. Je veux oublier les hommes, m'interroger et me répondre. Pareil à la jeune épouse dont le sein a frémi du tressaillement des mers, le poète, quand il croit sentir tressaillir la pensée en lui, doit avoir une heure d'extase et de recueillement. Il court s'enfermer avec son cher fardeau, n'ose croire à son bonheur, interroge son flanc, espère et doute encore. Puis, lorsqu'une douleur plus vive lui dit bien que Dieu l'a fécondé, alors, pendant de longs mois, il fuit la foule, tout à l'amour de l'être que le ciel lui confie. Qu'on le laisse se cacher et jouir en avare des angoisses de l'enfantement. Demain, dans son orgueil, il viendra demander des caresses pour le fruit de ses entrailles. Je suis pauvre, je dois vivre seul. Ma fierté souffrirait de banales consolations. Ma main ne veut presser que les mains ses égales. J'ignore le monde. Mais je sens que la misère est si froide qu'elle doit glacer les cœurs autour d'elle, et qu'étant sœur du vice, elle est timide et honteuse lorsqu'elle est noble. J'ai le front haut, j'entends ne point le baisser. Pauvreté, solitude, soyez donc mes hôtesses. Soyez mes anges gardiens, mes muses, mes compagnes à la voix rude et encourageante. Faites-moi fort, donnez-moi la science de la vie. Dites-moi combien coûte le pain de chaque jour. Que vos mâles caresses, si âpres qu'elles semblent des blessures, m'endurcissent dans le bien et le juste. J'allumerai ma lampe pendant ces nuits d'hiver et je vous sentirai toutes deux à mes côtés, glacées et silencieuses, vous courbant sur ma table, me dictant l'austère vérité. Lorsque, là d'ombre et de silence, je poserai la plume et que je vous maudirai, votre sourire mélancolique me fera peut-être douter de mes rêves. Alors, votre paix sereine et triste vous rendra si belle que je vous prendrai pour amante. Nos amours seront sévères et profondes comme vous. Les amoureux de 16 ans environ l'âcre volupté de nos baisers féconds. Et cependant, frère, il me serait doux de me sentir la pourpre aux épaules, non pour m'en draper devant la foule, mais pour vivre plus largement sous le riche et superbe tissu. Il me serait doux d'être roi d'Asie, de rêver nuit et jour sur un lit de rose, dans une de ces féeriques demeures, harems de fleurs et de sultanes. Les bains de marbre aux fontaines parfumées, les galeries de chèvrefeuilles soutenues sur des treillages d'argent, les immenses salles aux plafonds semés d'étoiles, n'est-ce pas là le palais que les anges devraient bâtir pour chaque homme de 20 ans? La jeunesse veut à son festin tout ce qui chante, tout ce qui rayonne. Lors du premier baiser, il faut que l'amante soit toute de dentelles et de bijoux, que la couche, portée par 4 fées d'or et de marbre, est un ciel de pierreries et d'étoiles de satin. Frère, frère, ne me grondez pas, je vais être sage. Je vais aimer mon grenier et ne plus songer à mes palais. Oh, que la vie serait jeune et passionnée. Chapitre 3. Je travaille, j'espère. Je passe les journées devant ma petite table, quittant la plume pendant de longues heures pour caresser quelques blondes têtes que l'encre souillerait. Puis, je reprends l'œuvre commencée, parant mes héroïnes des rayons de mes rêves. J'oublie la neige et l'armoire vide. Je vis je ne sais où, peut-être dans un nuage, peut-être dans le duvet d'un nid abandonné. Quand j'écris une phrase leste et coquettement drapée, je crois voir des anges et des aubépines en fleurs. J'ai la sainte gaieté du travail. Ah, que j'étais fou d'être triste et que je me trompais en me croyant pauvre et seul. Je ne sais plus ce qui me désolait. Hier, je crois ma chambre était laide. Elle me sourit aujourd'hui. Je sens autour de moi des amis que je ne vois pas, mais qui sont en grand nombre et qui tous me tendent la main. Leur foule me cache les murs de mon réduit. Va, pauvre petite table, lorsque la désespérance me touchera de son aile, je viendrai toujours m'asseoir devant toi et m'accouder sur la feuille blanche où mon rêve ne se fixe qu'après m'avoir rendu le sourire. Hélas, il me faut cependant une ombre de réalité. Je me surprends parfois inquiet, souhaitant une joie dont je n'ai pas conscience. Alors, j'entends comme une vague plainte de mon cœur. Il me dit qu'il a toujours froid, toujours faim, et qu'une folle rêverie ne peut le réchauffer ni le rassasier. Je veux le contenter. Je sortirai demain, non plus m'isolant en moi-même, mais regardant aux fenêtres, lui disant de choisir parmi les belles dames. Puis, de temps en temps, je le ramènerai sous le balcon préféré. Il en emportera un regard comme pâture, et 8 jours durant ne sentira plus l'hiver. Lorsqu'il criera famine, un nouveau sourire l'apaisera. Frère, n'avez-vous jamais rêvé qu'un soir d'automne, vous rencontriez dans les blés une brune fille de 16 ans? Elle vous souriait au passage, puis se perdait au milieu des épis. La nuit, vous la revoyiez en rêve, et le lendemain, vous preniez à la même heure le sentier de la veille. La chère vision passait, souriait encore, vous laissant un nouveau songe pour votre prochain sommeil. Les mois, les années s'écoulaient. Chaque jour, votre cœur affamé venait se rassasier d'un sourire, et jamais il ne désirait davantage. La vie entière ne suffisait pas à vous faire épuiser le regard de la jeune moissonneuse. Hier, j'avais grande flamme au foyer. J'étais riche de 2 bougies. Je les avais allumées toutes 2, sans songer au lendemain. Je me surprenais à chanter, tout en me préparant pour une nuit de travail. La mansarde riait d'être chaude et lumineuse. Comme je m'asseyais, j'ai entendu dans l'escalier un bruit de voix et de pas précipités. Des portes s'ouvraient et se fermaient. Puis, dans le silence, des cris étouffés montaient jusqu'à moi. Je m'étais dressé, vaguement inquiet et prêtant l'oreille. Les bruits cessaient par instant. J'allais rejoindre ma chaise lorsque quelqu'un a monté et m'a crié qu'une femme, ma voisine, subissait une crise de nerfs. On me demandait secours. La porte ouverte, je n'ai vu que l'escalier noir et silencieux. Je me suis couvert d'un vêtement plus chaud et je suis descendu, oubliant même de prendre une de mes bougies. À l'étage inférieur, je me suis arrêté, ne sachant où entrer. Je n'entendais plus aucune plainte, j'étais entouré d'épaisses ténèbres. Enfin, j'ai aperçu par la fente d'une porte entrebâillée un mince filet de lumière. J'ai poussé cette porte. La chambre était sœur de la mienne, grande, irrégulière, délabrée. Seulement, quand je quittais ma mansarde dans un jour de flamme et de clarté, l'ombre et le froid de celle-ci m'ont serré le cœur de pitié et de tristesse. Un air humide m'a frappé au visage. Une maigre chandelle, brûlant sur un des coins de la cheminée, s'était farée au vent de l'escalier, sans me permettre d'abord de voir les objets. Je m'étais arrêté sur le seuil. Enfin, j'ai distingué le lit. Les draps, rejetés et tordus, avaient glissé à terre. Des vêtements épars traînaient sur la couverture. Au milieu de ces lambeaux s'allongeait une forme blanche, indécise. J'aurais cru avoir un cadavre devant moi si la chandelle ne m'avait montré par moments une main pendant hors de la couche et agitée par de rapides convulsions. Au chevet se dressait une vieille femme. Ses cheveux gris dénoués retombaient en mèches raides sur son front, sa robe mise à la hâte montrait ses bras jaunes et décharnés. Elle me tournait le dos, soutenant la tête et me cachant le visage de la femme couchée. Ce corps frissonnant, veillé par cette horrible vieille, m'a causé une rapide impression de dégoût et d'effroi. L'immobilité des figures leur donnait une grandeur fantastique. Leur silence faisait presque douter de leur vie. j'ai cru un instant assister à une de ces scènes effrayantes du sabbat, lorsque les sorcières sucent le sang des jeunes filles, et, les jetant blêmes et ridés dans les bras de la mort, leur volent leur jeunesse et leur fraîcheur. Au bruit de la porte, la vieille a tourné la tête. Elle a laissé retomber lourdement le corps qu'elle soutenait, puis s'est avancée vers moi. « Ah, monsieur, m'a-t-elle dit, je vous remercie d'être venu. Les vieilles gens craignent les nuits d'hiver. Cette chambre est si froide que je n'en serai peut-être pas sortie demain. Je veille tard, voyez-vous, et quand on mange peu, on a besoin d'un plus long sommeil. D'ailleurs, la crise est terminée. Vous n'aurez qu'à attendre le réveil de cette dame. Bonne nuit, monsieur. » La vieille s'est retirée. Je suis demeurée seule. J'ai fermé la porte et, prenant la chandelle, je me suis approchée du lit. La femme qui s'y trouvait étendue pouvait avoir environ 24 ans. Elle était plongée dans cet accablement profond qui succède aux convulsions des attaques de nerfs. Ses pieds se trouvaient repliés sous elle. Ses bras, raides encore et grands ouverts, étaient rejetés au bord de la couche. Je n'ai pu d'abord juger de sa beauté. Sa tête, penchée en arrière, se perdait dans le flot de ses cheveux. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai détendu ses membres, je l'ai couchée sur le dos. Puis j'ai écarté les boucles de son front. Elle était laide. Ses yeux fermés manquaient de cils, ses tempes étaient basses et fuyantes, sa bouche grande et affaissée. Je ne sais quelle vieillesse précoce avait effacé les contours de ses traits et mis sur sa face entière une empreinte de lassitude et d'avidité. Elle dormait. J'ai entassé sur ses pieds tous les chiffons qui me sont tombés sous la main, j'ai haussé sa tête sous un autre paquet de vêtements. Ma science se bornant à ses soins, je me suis décidée à attendre son réveil. Je craignais qu'elle ne subît une seconde crise et qu'elle ne se blessât en tombant. Je me suis mise à visiter le grenier. J'avais, en entrant, senti s'en échapper un violent parfum de musc qui, se mêlant à l'odeur âcre de l'humidité, saisissait étrangement l'odorat. Sur la cheminée se rangeait une file de bouteilles et de petits pots gras encore d'huiles aromatiques. Au-dessus pendait une glace étoilée dont le teint manquait par larges plaques. D'ailleurs, les murs étaient nus. Tout traînait à terre. Souliers de satin éculé, linge sale, rubans fanés, lambeaux de dentelle. Comme j'allais, rejetant du pied les guenilles pour me faire passage, j'ai rencontré une belle robe neuve, toute de soie bleue et ornée de nœuds en velours. Elle était jetée dans un coin parmi les autres chiffons, roulée en paquets, fripée, tachée encore de la boue de la veille. Je l'ai relevée, elle est pendue à un clou. Là, ne trouvant pas de siège, je suis venue m'asseoir au pied du lit. Je commençais à comprendre où je me trouvais. La fille dormait toujours. Elle était maintenant en pleine lumière. J'ai cru m'être trompée en la déclarant laide, et je me suis prise à la contempler. Un sommeil plus doux avait mis à ses lèvres un vague sourire, ses traits s'étaient détendus, la souffrance passée donnait à sa laideur une sorte de beauté douce et amère. Elle reposait, triste et résignée. Son âme semblait profiter du repos de son corps pour monter à sa face. C'était donc là, cette misère immonde, étrange assemblage de soie bleue et de fange. Ce grenier était le bouge infâme de la luxure affamée, marchandant sa satiété. Cette fille était une de ces vieilles de 20 ans, n'ayant plus de la femme que la marque fatale du sexe, trafiquant de ce corps que le ciel leur laisse en leur retirant l'âme. Quoi ? Tant de limons en un seul être, tant de souillures en un seul cœur. Dieu frappe rudement sa créature lorsqu'il lui laisse déchirer sa robe d'innocence et mettre la ceinture lâche et flottante qui se dénoue sous la main de chaque passant. dans nos rêves d'amour, nous ne rêvions jamais qu'un soir nous trouverions un grabat dans l'ombre d'un grenier, et sur ce grabat, une fille du ruisseau, endormie et demi-nue. La malheureuse inclinait la tête sous l'aile caressante d'un songe. Un souffle doux et régulier s'échappait de ses lèvres. Sur ses paupières, languissamment fermées, courait par instants un faible frisson. Je m'étais accoudé au bois du lit. Mon regard ne pouvait se détacher de ce front pâle et beau d'une étrange beauté. Je ne sais quelle fascination avait sur moi ce sommeil paisible du vice, ces traits flétris empreints dans leur repos d'une douceur angélique. Je me disais que cette fille dormait, visitée par sa 16e année, et que j'avais ainsi une vierge devant moi. Cette pensée emplissait mon esprit. Et si quelque autre s'y mêlait, je n'en avais pas conscience. Je ne sentais plus le froid, et je tremblais. Mes veines battaient d'une fièvre inconnue. Ma rêverie s'égarait, plus inquiète et plus triste. La fille eut un soupir, se retourna sur la couche. Elle rejeta la couverture, découvrant sa poitrine. Mes songes m'avaient seuls montré jusque-là de chastes nudités, toujours voilées de rayons. Je n'avais jamais entrevu que les bras des lavandières battant gaiement le linge. Parfois, peut-être encore, mon regard s'était-il égaré sur le cou blanc et délicat d'une danseuse, lorsque, l'emportant sur mon cœur, je sentais ma pensée se troubler au vent de ses tresses blondes. Cette poitrine, brutalement découverte, m'a fait rougir et m'a mis au cœur une telle angoisse que j'ai cru en pleurer. J'ai eu honte pour la jeune femme. J'ai senti ma virginité s'en aller dans mon regard. Cependant, je ne pouvais détourner les yeux. Je suivais les douces ondulations du sein. Je m'éblouissais de sa blancheur. Les sens se taisaient encore. Mon esprit seul était ivre. Mes impressions avaient un charme si étrange que je ne puis aujourd'hui les comparer qu'à la sainte horreur qui m'a secoué le jour où j'ai vu un cadavre pour la première fois. Mon imagination m'avait aussi représenté la mort. Mais lorsque j'ai vu cette face bleuie, cette bouche noire et ouverte, lorsque le néant s'est montré dans son énergique grandeur, je n'ai pu détacher mes regards du cadavre, frémissant d'une volupté douloureuse, attiré par je ne sais quel rayonnement de la réalité. Ainsi, la première gorge nue me retenait, palpitant d'une émotion que je ne saurais définir. Et c'était cette poitrine meurtrie des caresses de tous où se posaient mes yeux. Ah, lorsqu'aujourd'hui je songe à cette nuit fatale, à cette extase effrayée qui retenait mon souffle, lorsque je me revois penché sur cette infâme couche, inquiet et rougissant, je me demande avec angoisse qui me rendra ce premier regard pour aller rougir et me pencher sur la couche d'une vierge. Je me demande qui me rendra l'instant où le voile tombe des épaules de l'amante, où l'amant comprend d'un regard et s'incline, ébloui de connaître. J'ai bu l'ivresse dans une coupe souillée. Je ne saurai jamais quelle splendeur a le sein d'une vierge pour des yeux ignorants encore. La fille s'est éveillée et m'a souri sans paraître étonnée de me trouver auprès d'elle. Ce sourire était vague, comme adressé à toute une foule, comme là d'être sur ses lèvres. Elle n'a pas parlé et m'a tendu les bras. Ce matin, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai trouvé mes bougies entièrement brûlées, mon foyer mort depuis longtemps. La chambre était froide et sombre. Je n'avais plus ni flamme, ni clarté. Chapitre 5. Frère, où était donc l'amante, reine des lacs et des nuées? Où la brune moissonneuse dont le regard est si profond qu'il suffit à une vie d'amour? Ainsi, c'en est donc fait. J'ai menti à ma jeunesse, je suis le fiancé du vice. Le souvenir de ma première heure d'amour est étroitement lié à celui d'un bouge infâme, d'une couche chaude encore des baisers de chacun. Lorsque, dans les nuits de mai, j'évoquerai la fiancée, je verrai se lever une fille nue et cynique, s'éveillant et me tendant les bras. Ce spectre pâle et flétri sera de tous mes amours. Il se dressera entre ma bouche et celle de la Vierge, réclamant pour ses lèvres mes lèvres souillées. Il se glissera dans mon lit, profitant de mon sommeil pour m'étreindre en un songe horrible. Quand l'amante balbutiera à mon oreille une parole frissonnante de volupté, il sera là pour me dire que le premier il m'a parlé ce langage. Quand j'appuierai ma tête à l'épaule de l'épouse, il me présentera la sienne où j'ai dormi ma nuit de noces. Ainsi, jamais mon cœur ne pourra battre sans qu'il ne vienne le glacer par le souvenir maudit de nos fiançailles. Oui, cette nuit a suffi pour me priver de la paix suprême. Mon premier baiser n'a pas éveillé une âme. Je n'ai point senti la sainte ignorance des étreintes. Mes lèvres timides n'ont point trouvé des lèvres timides comme elles. Je ne connaîtrai jamais ce naïf tâtonnement des caresses, cette innocence du couple qui ne sait comment déchirer le voile. Ils frémissent, se pressent étroitement et pleurent de ne pouvoir se confondre. Et comme ils sont là, hésitants, cherchant une issue pour leur âme, voilà que leurs lèvres se rencontrent et qu'à tous deux, ils ne font plus qu'un seul être. Puis, lorsque la science est venue, lorsque l'amante et l'amant ont ensemble, dans un baiser, pénétré la loi de Dieu, quelle doit être leur félicité de se devoir les mêmes clartés, le même infini? Ils n'ont fait qu'échanger leur virginité. Ils se sont pris l'un à l'autre leur robe blanche. Et maintenant, tous deux ont encore le vêtement des chérubins. Mêlant leur souffle, souriant du même sourire, ils se reposent dans leur union. Heure sainte, où les cœurs battent plus librement, trouvant un ciel où monter. Heure unique, où l'amour ignorant mesure tout à coup sa puissance, se croit maître de l'étendue et s'enivre de son premier coup d'aile. Frères, que Dieu vous garde cette heure dont le souvenir parfume toute une vie. Elle ne sera jamais pour moi. Telle est la fatalité. Il est rare que deux cœurs vierges se rencontrent. Toujours l'un d'eux n'a plus à donner son extase en sa fleur. Aujourd'hui, chacun de nous, jeunes gens de 20 ans qui sommes avides d'aimer, ne pouvant briser les grilles des maisons honnêtes, trouve plus simple de s'adresser à la porte grande ouverte des boudoirs de bas étage. Lorsque nous demandons à quelle épaule appuyer nos fronts, les pères cachent leurs filles et nous poussent dans l'ombre des ruelles. Ils nous crient de respecter leurs enfants qui doivent un jour être nos femmes. Ils préfèrent pour elles à nos caresses premières les caresses apprises dans les mauvais lieux. Aussi, combien peu se gardent pour l'épouse, combien peu, dans le désert de leur jeunesse, refusent les seules et impures compagnes que leur laisse la singulière prévoyance des hommes. Les uns, sots et méchants garçons, se font une gloire de leur souillure. Ils se parent des filles perdues. Les autres, dans le réveil de l'âme, au premier appel de l'amante, ont grande tristesse d'interroger en vain l'horizon et de ne savoir où se trouve celle que réclame leur cœur. Ils vont devant eux, regardant au balcon, se penchant vers chaque jeune visage. Les balcons sont déserts, les jeunes visages restent voilés. Un soir, un bras se glisse sous le leur, une voix les fait tressaillir. Déjà las et désespérés, ne pouvant rencontrer l'ange de l'amour, ils en suivent le spectre. Frère, je ne veux point excuser une nuit d'égarement, mais laissez-moi dire qu'il est étrange de cloîtrer la chasteté et de permettre à la débauche de vivre au soleil, le front haut. Laissez-moi déplorer cette méfiance de l'amour qui crée une solitude autour de l'amant et cette sauvegarde de la vertu par le vice qui fait rencontrer 10 femmes perdues sur la route avant d'arriver à la porte d'une vierge. Celui qui s'oublie à leurs ignobles caresses peut dire, en arrivant aux pieds de l'épouse, « Je ne suis plus digne de toi, mais que n'es-tu venu à ma rencontre? Que ne m'attendais-tu là-bas, dans les blés fleuris, avant tous ces carrefours où chaque borne a sa prêtresse? Que n'as-tu voulu être la première à mon regard et t'épargner en m'épargnant moi-même ?» En rentrant ce soir, j'ai trouvé dans l'escalier la vieille femme de l'autre nuit. Elle montait péniblement devant moi, s'aidant de la corde et posant les deux pieds sur chaque marche. Elle s'est retournée. « Eh bien, monsieur, m'a-t-elle demandé, votre malade se porte-t-elle mieux ? Le frisson l'a quitté, je pense, et vous-même ne paraissez pas avoir souffert du froid. Allez, je savais bien que pour une belle fille, un beau garçon est meilleur médecin qu'une vieille femme. » Elle riait, montrant sa bouche vide. Cette complaisance de la vieillesse aux amours honteuses m'a fait rougir. « Ne rougissez pas, a-t-elle ajouté. J'en ai vu de tout aussi fiers que vous entrer sans honte et sortir en chantant. La jeunesse aime à rire. Les filles qui jouent la sagesse sont des sottes. Ah, si j'avais encore 15 ans !» J'étais arrivée devant ma porte. Elle m'a retenue par le bras comme j'allais rentrer et a continué. J'avais de blonds cheveux alors. Mes joues étaient si pures que mes amants me surnommaient Pâquerette. Si vous m'aviez vue, vous seriez entrée. J'habitais au rez-de-chaussée un nid de soie et d'or. Chaque 5 ans, j'ai monté d'un étage. Aujourd'hui, je loge sous les toits. Je n'ai plus qu'à descendre pour aller au cimetière. Ah, que votre amie Laurence est heureuse. Elle ne loge encore qu'au 3e. Ainsi, cette fille se nomme Laurence. J'ignorais son nom. Chapitre 6. Je me suis remis au travail, mais avec répugnance, et là, dès la première heure. Maintenant que j'ai soulevé un coin du voile, je n'ai ni le courage de le laisser retomber, ni celui de l'écarter tout à fait. Lorsque je m'assieds devant ma table, je m'accoude tristement, laissant glisser la plume de mes doigts, me disant « À quoi bon ?» Mon intelligence me semble épuisée. Je n'ose relire les quelques phrases que j'écris. Je ne me sens plus cette joie du poète, qu'une rime heureuse fait rire sans raison comme un enfant. Grondez-moi, frère, les vers faux ne me donnent plus l'insomnie. Mes faibles ressources s'épuisent. Je puis calculer à un jour près le soir où je manquerai de tout. J'achève mon pain, ayant presque hâte de le finir, pour ne plus le voir diminuer à chaque repas. Je me livre lâchement à la misère. La lutte m'effraie. Ah, combien ils mentent, ceux qui prétendent que la pauvreté est mère du talent. Qu'ils comptent ce que le désespoir a fait illustre et ce qu'il a lentement avili. Quand les larmes naissent d'une blessure reçue au cœur, les rides qu'elles creusent sont belles et nobles. Mais quand c'est la faim du corps qui les fait couler, lorsque chaque soir une bassesse ou un labeur de brute les essuie, elles sillonnent la face affreusement, sans lui donner la douloureuse sérénité de la vieillesse. Non, puisque je suis si pauvre qu'il me faudra peut-être mourir demain, je ne puis travailler. Lorsque l'armoire était pleine, j'avais grand courage, je me sentais la force de gagner mon pain. Aujourd'hui, elle est vide, et tout m'est lassitude. Il me sera plus facile de souffrir la faim que de faire le moindre effort. Allez, je sais bien que je suis lâche et parjure à nos serments. Je sais que je n'ai pas le droit de me réfugier déjà dans la défaite. J'ai 20 ans. Je ne puis être là d'un monde que j'ignore. Hier, je le rêvais doux et bon. Est-ce un nouveau rêve que de le juger mauvais aujourd'hui ? Que voulez-vous, frère? Mon premier pas a été malheureux. Je n'ose avancer. Je vais épuiser ma souffrance, verser toutes mes larmes. Et le sourire me reviendra. Je travaillerai plus gaiement demain.